mais il est des villages. Où les enfants seront tristes ce soir. Chers prisonniers, ne perdez pas de courage et que Noël vous porte son espoir. Pensez soldats à vos humbles chaumières où l'être aimé espère votre retour. Aux prisonniers, séchez nos pleurs amères. Noël, Noël, espérez le retour. Noël, Noël, espérez le retour. Là-bas, très loin, sur la terre de France, les êtres chers vont pleurer cette nuit. Mais dans leur cœur, ils gardent l'espérance de voir bientôt fini le jour maudit. Aux prisonniers, pense aux femmes, aux mères, aux tout petits qui prient pour ton retour. Des plus beaux jours entrevoient la lumière. Noël, Noël, espérons le retour. Noël, Noël, espérons le retour. Faisons serment de ne plus faire de guerre et d'établir une juste société, de faire un monde où les peuples sont frères, où régnera pour tous l'égalité. Vaincu demain, il nous faut reconstruire pour nos enfants des horizons nouveaux. Car nous voulons revoir l'enfer, leur fait sourire. Noël, Noël, nous fermons les tombeaux. Noël, Noël, les jours seront plus beaux. Les jours seront plus beaux. Les jours seront plus beaux.